Le banquet. Platon. Apollodore. Je crois être assez bien préparé à vous faire le récit que vous demandez. Dernièrement, en effet, comme je montais de Phalère où j'habite à la ville, un homme de ma connaissance qui venait derrière moi m'aperçut et m'appelant de loin « Hé, l'homme de Phalère, Apollodore !» s'écria-t-il en badinant. « Attends-moi donc !» Je m'arrêtai et l'attendis. « Apollodore, me dit-il, je te cherchais justement pour te questionner sur l'entretien d'Agathon avec Socrate, Alcibiade et les autres convives du banquet qu'il a donné, et savoir les discours qu'on y a tenus sur l'amour. Quelqu'un m'en a déjà parlé qu'il tenait de Phénix, fils de Philippe. Il a dit que tu les connaissais aussi, mais lui n'a rien pu dire de précis. Rapporte-les-moi donc. C'est à toi qu'il appartient avant tous de rapporter les discours de ton ami. Mais d'abord, dis-moi, ajouta-t-il, étais-tu présent toi-même à cette réunion ? On voit bien, répondis-je, que ton homme ne t'a rien raconté de précis, si tu penses que la réunion dont tu parles est de date assez récente pour que j'y aie assisté. Je le pensais pourtant. Est-ce possible, Glaucon ? Dis-je. Ne sais-tu pas qu'il y a plusieurs années qu'Agathon n'est pas venu à Athènes ? D'ailleurs, depuis que je me suis attaché à Socrate et que je me fais chaque jour un soin de savoir ce qu'il dit et ce qu'il fait, il n'y a pas encore 3 ans. Auparavant, j'irais à l'aventure et je me croyais sage. Mais j'étais plus malheureux comme du monde. Tout comme tu l'es maintenant, toi, qui places toute autre occupation avant la philosophie. « Épargne-moi tes sarcasmes, dit-il. Dis-moi plutôt dans quel temps eut lieu cette réunion. » « En un temps où nous étions encore enfants, répondis-je, lorsqu'Agathon remporta le prix avec sa première tragédie, le lendemain du jour où il offrit avec ses chorutes le sacrifice de la victoire. « Alors cela date de loin, ce me semble, dit-il. Mais qui t'a raconté ces choses ? Est-ce Socrate lui-même ? Non. « Par Zeus, dis-je, mais le même qui les a racontés à Phénix, un certain Aristodème de Cudathénaïon, un petit homme qui allait toujours pieds nus. Il avait en effet assisté à l'entretien, et si je ne me trompe, Socrate n'avait pas alors de disciple plus passionné. Cependant, j'ai depuis questionné Socrate lui-même sur certains points que je tenais de la bouche d'Aristodème, et Socrate s'est trouvé d'accord avec lui. « Eh bien, reprit-il, raconte vite. La route qui mène à la ville est faite à souhait pour parler et pour écouter tout en cheminant. » Dès lors, nous nous entretînmes de ces choses tout le long de la route. C'est ce qui fait, comme je le disais en commençant, que je ne suis pas mal préparé. Si donc vous voulez que je vous les rapporte à vous aussi, il faut que je m'exécute. D'ailleurs, de parler moi-même ou d'entendre parler philosophie, c'est, indépendamment de l'utilité que j'y trouve, un plaisir sans égal. Quand, au contraire, j'entends parler certaines personnes, et surtout vos gens riches et vos hommes d'affaires, cela m'assomme et je vous ai en pitié, vous leurs amis, de croire que vous faites merveille alors que vous ne faites rien. Peut-être vous aussi, de votre côté, vous me croyez malheureux, et je pense que vous ne vous trompez pas. Mais que vous le soyez, vous, je ne le pense pas seulement. J'en suis sûr.